La première fois qu'on s'aimera, tu te rappelles. Celui de nous deux qui rira, perdra son ciel. Au fond de la nuit la plus longue, pour effacer le temps perdu, on s'aimera comme si l'amour n'existait plus. La première fois qu'on s'aimera, tu t'en souviens. C'est une promesse qu'on ne tient pas, qu'on fait pour rien. Dans un voyage entre deux mondes, presque en état d'apesanteur, on s'aimera comme si l'amour nous faisait peur. Seul, on refait notre vie, celle qu'on aurait choisie, si l'on pouvait revivre. Seul, dans cet univers de fou, sans personne entre nous, comme si nous étions libres. La première fois qu'on partira, sait-on jamais, nous choisirons le seul endroit encore secret où nous pourrons dans l'eau profonde d'un fleuve à découvrir encore nous aimer comme si notre amour c'était la mort. Dans un voyage entre deux mondes, presque en état d'apesanteur, on s'aimera comme si l'amour nous faisait peur. Seul, on refait notre vie, celle qu'on aurait choisie, si l'on pouvait revivre. Seul, dans cet univers de fou, sans personne entre nous, étions libres. La première fois qu'on s'aimera, tu t'en souviens. Celui de nous deux qui rira, en rira bien. Au bout de la nuit la plus longue, pour rattraper le temps perdu, on s'aimera comme si l'amour n'existait plus. La première fois qu'on s'aimera, nous étions promis des joies surnaturelles. Au fond de la nuit la plus sombre, celle qui fait trembler les forêts, on s'aimera comme si l'amour nous l'avions fait. La première fois qu'on s'aimera, tu te rappelles. Nous nous étions promis des joies surnaturelles. Au fond de la nuit la plus sombre, celle qui fait trembler les forêts, on s'aimera